auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue pour cette dernière émission de l'année 2025. Osez Jazz à tous les étages, numéro 124, saison 5, épisode 17. Voilà, j'espère que vous passez de beaux moments de fête et que vous préparez ce réveillon 2025-2026 avec beaucoup d'acharnement. Et puis aussi un petit peu avec l'oreille collée à la radio pour écouter les bonnes choses qu'on a à vous passer. Avec encore une émission comme la semaine dernière, consacrée essentiellement aux rééditions, puisqu'il y a peu de nouveautés qui sortent actuellement, et que du coup, on rattrape un petit peu le retard accumulé avec de nombreuses rééditions qui se bousculent dans les bacs des disquaires. Donc voilà, c'est l'occasion aussi d'en parler un petit peu plus longuement. On va commencer comme d'habitude avec notre rubrique générique et on va continuer le petit hommage qu'on avait fait déjà la semaine dernière à Rob Reiner, qui est le réalisateur américain qui est décédé récemment, dans des conditions tragiques d'ailleurs, avec bien sûr, vous l'aurez deviné, un deuxième extrait qui est celui de Quand Harry rencontre Sally, puisque la musique de ce film est essentiellement constitué de morceaux chantés ou joués par un jeune homme qui était complètement inconnu à l'époque, en 1989, qui s'appelait Harry Connick Jr., qui a fait une énorme carrière suite à ça. Mais c'est vrai que cette jolie comédie romantique avec Billy Crystal et Meg Ryan a largement contribué à l'imposer sur l'ensemble de la scène américaine de jazz, avec ce côté crooner au piano qui rappelait à certains pas mal les jeunes années de Frank Sinatra, qui lui n'était pas pianiste, mais c'est vrai que dans le grain de la voix de Harry Connick, il y a quand même beaucoup de la voix de Frank Sinatra à ses débuts. Donc cette splendide bande originale du film qui a connu un succès planétaire absolument faramineux, de même que le film d'ailleurs, a vraiment lancé la carrière du chanteur et pianiste Harry Connick Jr. Harry Connick Jr. qui avait très certainement bénéficié dans ses jeunes années d'un petit coup de pouce de son papa. Harry Connick est né à la Nouvelle-Orléans, dont son papa était juge du district, et il s'appelait Harry Connick Senior. C'est original. Ces Américains ont toujours beaucoup d'imagination quand il s'agit des noms. Donc Harry Connick Senior était un juge du district de la Nouvelle-Orléans et aussi un grand amateur de musique. Il était disquaire aussi en même temps. Vous savez, aux États-Unis, on a souvent deux professions parce qu'il y en a une qui rapporte pas suffisamment. Donc disons qu'il était disquaire par passion, c'est-à-dire qu'il avait un magasin de disques et puis qu'il allait y vendre des disques de temps en temps, mais il avait surtout des employés là-bas. Et puis il aimait beaucoup le jazz, il était un petit peu pianiste aussi à ses heures perdues, mais comme il était juge aussi, il avait trouvé une petite combine. Apparemment, il était un petit peu combinard, monsieur Harry Connick Senior. Il avait contacté James Booker. James Booker, c'est un des plus grands pianiste, chanteur de la Nouvelle-Orléans, un de ceux qui ont le mieux su canaliser cette espèce d'énergie de la ville qui mélange jazz, blues, folk, musique caribéenne, vaudou, etc. Et qui était un personnage haut en couleur et dont la vie était un petit peu erratique, on va dire. Il avait l'habitude d'abuser un petit peu de tout ce qui lui tombait sous la main, et donc il avait énormément de démêler avec la justice. Donc Harry Connick Senior, donc le père d'Harry Connick Jr., avait passé avec lui un deal en tant que juge, c'est-à-dire que James Booker se chargeait de donner des cours de piano à Harry Connick Jr., moyennant quoi, eh bien, le juge faisait en sorte que tous les petits ennuis avec la justice de James Booker soient largement effacés à chaque fois qu'il bénéficie d'un non-lieu, etc. Voilà. Voilà le petit arrangement très américain, n'est-ce pas, de ce genre de truc. Alors, on ne sait pas quelle est la part de vérité exacte de, là-dedans. C'est peut-être un petit bout de légende, mais il y a certainement aussi un petit peu de vérité là-dedans. Toujours est-il que Harry Connick en a bien profité, visiblement, parce que c'est quand même un pianiste émérite. Et puis que grâce à ce film de Rob Reiner, quand Harry rencontre Sally, il a pu faire sa place sur la scène américaine. Le morceau évidemment que je vous ai choisi pour illustrer ce film, c'est le fameux « It had to be you », »,« Ça devait être toi », chanson d'amour extraordinaire, et que l'on entend donc en début de film « It had to be you », Harry Connick Jr. To be you, it had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do, for nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Never be cross, try to be boss, they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. Baby, it had to be you, wonderful you. Had to be you. It Had to Be You, Harry Connick Jr., donc extrait de cette musique du film Quand Harry rencontre Sally de Rob Reiner, qui en rendait hommage. Vous aurez remarqué au début de ce morceau une petite intro à la Gershwin du meilleur effet, voilà, avant ce passage au côté crooner de Harry Connick. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc on va explorer un petit peu les rééditions qui arrivent dans les bacs depuis à peu près 2 mois. Et on va commencer par quelqu'un qui n'est pas forcément exceptionnellement connu par chez nous, mais qui a creusé une belle carrière au fil des années. C'est monsieur Hector Costita. Hector Costita, de son vrai nom Hector Bisignani, qui était né en Argentine, à Buenos Aires, en 1934, et qui s'est fait connaître surtout un petit peu aux États-Unis, beaucoup au Brésil, où il a joué avec plein de gens, notamment avec Lalo Schifrin, avec Manfredo Fest, avec Sergio Mendes, avec Hermeto Pascual, avec Elis Regina. Il a joué essentiellement du saxo et puis un petit peu de clavier aussi dans les ensembles de tous ces gens-là, après avoir aussi fait pas mal de choses aux USA, notamment avec João Donato, donc on passé il y a pas si longtemps que ça dans cette émission. Il a aussi fait quelques études musicales en France en 1964 au Conservatoire de musique de Paris avant de repartir vers le Brésil. Et là, de la fin des années 60 jusqu'au milieu des années 80, il a enchaîné les disques à succès et les participations à tout un tas de groupes. Donc, je vous le disais, notamment Elis Regina, voilà, Hermetos Pascual. Et en 1981, il sortait un album qui vient juste d'être réédité, qui est un album chéri par tous ceux qui cherchent toujours du son, des samples, etc. dans la musique entre jazz, funk, blues, rythme brésilien de la Brazilian Soul ou des rythmes de Bahia de San Salvador aussi. C'est vraiment un bel album qui est assez peu connu malheureusement, mais qui connaît un beau succès chez ceux qui sont un petit peu les chercheurs de son de ces périodes-là. L'album s'appelle tout simplement 1981 et le morceau que je vous ai choisi s'appelle Avesos. C'est donc Hector Costita. Thank you. C'était donc Hector Costita en 1981, d'où le titre de l'album 1981, avec le morceau Avesos, bien beau morceau qui commence très cool comme ça, puis qui ensuite part en vraiment jazz funk bien cool comme on en faisait à l'époque. Autre réédition donc de ces jours-ci, pareil de quelqu'un qui est pas forcément très connu du grand public, mais qui est vraiment connu sur la scène française du jazz, c'est François Janot. François Janot, extraordinaire saxophoniste, qui a découvert le jazz à travers des concerts auxquels il assistait quand il était petit sur Paris, du Charlie Parker, du Sidney Bechet, etc. Et puis qui a reçu une grande claque lorsqu'il est parti en déplacement avec Aldo Romano, Jean-François Jenny Clark, dans les années début des années 60, où il a rencontré des gens comme Archie Shepp ou Bill Dixon, et il a découvert donc avec eux le free jazz, dont il a été un des pionniers avec Jean-Louis Chautan, avec François Tusk. Au milieu des années 60, il a constitué un petit peu un noyau dur de gens qui se lançaient un petit peu dans le free jazz, tout en accompagnant parfois d'ailleurs en même temps des gens comme Claude François, histoire d'assurer un petit peu de revenus dans le foyer. Voilà, ensuite, au début des années 70, il a rejoint le groupe de rock français Triangle, avant de commencer à repartir vers le jazz, notamment en 1974, en enregistrant cet album qui vient juste d'être réédité, donc qui est sorti en 1975, lui. L'album s'appelle Une bien curieuse planète. Il est sorti à l'époque sur un petit label qui s'appelait Palm, et dont de nombreux albums sont enfin réédités pour les aficionados de cette période-là, parce que c'est des albums qui ont été rarement édités en CD, et aujourd'hui ils ressortent enfin à la fois en CD et en vinyle. Et vraiment, dans tout ce catalogue Palm, il y a vraiment énormément de choses intéressantes qui sont sorties au fil des années, assez osées, parfois souvent un petit peu free, mais toujours intéressantes. Lui, François Janot, a continué à travailler ensuite. Il a été l'un des premiers à diriger l'Orchestre National de Jazz, notamment à la fin des années 80. Puis ensuite, il s'est lancé dans l'aventure du sound painting, mais il a aussi accompagné après Laetitia Sherif, Manu Dibango, Mama Beatekielski. Enfin bon, bref, c'est un garçon qui a plein d'arcs, plein de flèches à son arc différentes. Et voilà, cet album de 1975, son premier effort, Une bien curieuse planète, c'est le titre de l'album. Et le morceau que je vous ai extrait s'appelle Kaina, et c'est vraiment superbe. Thank you. Voilà, c'était Kaina, morceau extrait de cet album de François Janot, Une bien curieuse planète, sorti en 1975 et qui n'était plus édité depuis Perpète les oies, comme on dit chez moi. Et voilà, c'est l'occasion de le retrouver aujourd'hui avec cette belle réédition CD et vinyle qui débarque dans les bacs. Un autre garçon assez peu connu également et également saxophoniste, c'est Bayard Lancaster qui voit plusieurs de ses albums réédités ces temps-ci, et c'est vraiment un bonheur là aussi de voir des gens comme ça qui étaient un petit peu oubliés retrouver des couleurs et être remis sur la carte de l'histoire du jazz, en plus par un label français qui s'appelle Souffle Continu. Souffle Continu, c'est aussi une boutique sur Paris, et c'est un label qui déterre comme ça des choses un petit peu inédites ou rares ou qui sont très recherchées par les aficionados. Bayard Lancaster donc avait enregistré pour un petit label dans les années 70, en 1974 exactement, quatre albums qui sont aujourd'hui ressortis sur un coffret de 5 vinyles plus un 45 tours de ce label. C'est encore le label Palm, d'ailleurs, c'est le même label que celui qui avait sorti l'album de François Janot qu'on écoutait tout à l'heure. Cet album donc de 1974 que je vous ai sélectionné dans ces quatre albums, s'appelle Funny Funky Rib Crib 1974, et le morceau que je vous ai sélectionné là-dedans s'appelle Just Test, et vous allez voir, c'est magnifique. Thank you. Et voilà, c'était donc notre ami Bayard Lancaster, extrait de cet album Funny Funky Rip Crib 1974 sur le label Palm, dont la plupart des albums sont réédités, avec ce petit coffret consacré à Bayard Lancaster qui regroupe 4 albums sur 5 vinyles. Et vraiment, c'est super intéressant parce qu'il y a un petit peu de funk à la James Brown, un petit peu d'afro à la Fela, du jazz et tout. C'est vraiment très riche dans le morceau, là, on entendait pas mal de gens présents. Il y a notamment au trombone Joseph Trendle, François Nyombo à la guitare, Clint Jackson III à la trompette, François Tusk, un des pionniers du funk, du jazz funk et du jazz free en France, au piano électrique. Voilà, et puis donc notre ami Bayard Lancaster au sax. Là aussi, une prise de son très spontanée, hein, ça s'entend clairement dans l'enregistrement, mais c'est aussi ça qui fait parfois les plus belles pages musicales. On va traverser la Manche pour aller voir un certain Michael Garrick. Là aussi, c'est quelqu'un qui est assez peu connu en France. Exceptionnel saxophoniste également, de anglais, qui est aussi chez lui un des pionniers du jazz, jazz un peu free, comme ça, de la fin des années 60 et début 70. Il sort ces jours-ci un album qui s'appelle Late Autumn Sunshine, qui regroupe quelques-unes des sessions qu'il a faite dans les années 70 avec pas mal de gens qui étaient des pointures de cette période-là dans le jazz anglais, comme Tony Coe, Alan Wakeman, Jeff Klein, Dave Green, Norma Winston, enfin beaucoup de joli monde, Trevor Tompkins, John Marshall, des gens qui sont pas forcément très très connus mais qui ont une importance énorme sur l'histoire du jazz anglais dans ces années 70 où aussi bien le rock que le jazz anglais ouvrait des nouvelles voies entre rock progressif, mélangeant entre jazz et rock, et puis jazz un peu free. Et Michael Garrick avait une place vraiment de tout premier plan dans ce style de musique. Le morceau qu'on va écouter, donc extrait de ces sessions réunies sous le nom de Late Autumn Sunshine, qui sort sous un format de vinyles. Là, il faudra vous dépêchez parce qu'il n'y a que 600 copies fabriquées pour le monde, et puis une autre version en un seul vinyle et en CD qui lui sera plus clairement disponible. Le morceau donc s'appelle Galilée, comme l'astronome, et donc cet extrait de ce Late Autumn Sunshine, qui est une réunion de morceaux qui étaient restés inédits depuis les années 70, de monsieur Michael Garrick. Garrick, Galilée, extrait de cet album Late Autumn Sunshine, première édition de ses sessions des années 70, avec la très belle voix de Norma Winston sur ce morceau. La trompette était tenue par Henry Lowther, les saxos par Art Temen, Tony Coe, Alan Wakeman, les trombones par David Orler. À la basse, on retrouvait Dave Green et Jeff Klein, et les batteurs, il y en avait deux, étaient Trevor Tompkins et John Marshall. Évidemment, au clavier, monsieur Michael Garrick lui-même, sur un magnifique jeu de Fender Rhodes, notamment. Ça vient de sortir, et ne le loupez pas, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. C'est vraiment un très intéressant petit clin d'œil dans le jazz anglais de l'époque. Un autre garçon qu'on entend peu, même si lui est beaucoup plus connu, c'est Roland Rassan Kirk, donc, qui fait l'objet d'une très belle réédition par le label Résonance, qui nous a habitués ces dernières années à ressortir tout un tas de lives rares, inédits, de plein de gens. Ça va de Billy Vance à N.T. Remler notamment. C'est vraiment une merveille de trésors qui nous retrouvent. Et celui-ci n'en est pas le moindre, puisque c'est un live au Village Gate de Kirk qui date de 1963, qu'ils ont réussi à retrouver, à restaurer, à remasteriser. Ce concert n'avait jamais été entendu depuis 1963, à part par les gens qui se trouvaient dans la salle ce jour-là. Et c'est vraiment une belle découverte, un enregistrement qui a été fait donc les 26 et 27 novembre 1963. Avec Horace Parlan notamment au piano, sur certains titres Melvin Ryan sur d'autres, Henry Grimes à la basse, Sonny Brown à la batterie, et vraiment on y retrouve le style inimitable de Roland Rassan Kirk, qui joue là du saxophone ténor, et qui vraiment envoie comme jamais sur des thèmes assez classiques. Lui aussi a beaucoup fait un petit peu dans un jazz un peu free, mais là on est encore dans le style tout à fait classique de Roland Kirk, un petit peu hard bop, un petit peu classique, mais vraiment vraiment superbe. C'est un morceau qui s'appelle Blues Miner at the Gate que je vous ai sélectionné, sorti donc de ce live at the Village Gate que vous entendez pour la première fois depuis ceux qui étaient dans la salle en 1963. Roland Rassan Kirk. The little bit. Voilà, c'était Rassan Roland Kirk, Live at the Village Gate, qui vient juste de sortir sur le label Résonance, une première, puisque les bandes avaient été soi-disant perdues, oubliées, etc., et qu'aujourd'hui elles ressortent pour la première fois, donc depuis 62 ans que cet enregistrement existe, et c'est un bonheur. Vous avez entendu, on entend un petit peu le public, on entend des gens qui rigolent, des gens qui éternuent, voilà, c'est un peu l'ambiance. Vous avez l'impression d'être dans le club lui-même où a été enregistré ce live somptueux qui est bien rempli, hein. Il y en a pour un peu plus d'une heure sur ces titres-là qui sont donc sortis de l'oubli aujourd'hui. Un autre grand monsieur qui n'est pas forcément non plus toujours très connu du grand public, c'est Red Garland, fabuleux pianiste des années 50 jusqu'aux années 70, qui a été le complice notamment de Miles Davis pendant toutes les années 50, lorsqu'il a enregistré pour le label Prestige, et qui a aussi côtoyé beaucoup des gens comme John Coltrane, comme Donald Byrd, qu'on retrouve d'ailleurs sur cet album Soul Junction, qui a été enregistré en 1957 et sorti en 1960 seulement. Voilà, 3 ans de hiatus entre l'enregistrement et puis la sortie sur disque à l'époque. Vous devinerez jamais, il a été enregistré par monsieur Rudy Van Gelder encore. Celui-ci dans ses studios à l'époque. On est sur un jazz tout à fait classique, hein. Il y a pas de free, il y a pas de côté très original dans tout ça, mais c'est tellement bien joué. Red Garland au piano, John Coltrane au sax, Donald Byrd à la trompette, George Joyner à la basse et Art Taylor à la batterie, donc un quintet fabuleux que l'on peut entendre sur cet album Soul Junction. Et je vous ai sorti un morceau qui s'appelle Alléluia, qui n'a rien à voir avec celui de Leonard Cohen, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Thank you. Un morceau enfilé à un tempo d'enfer avec ce solo absolument incroyable de John Coltrane au sax tout à l'heure. C'était Red Garland, extrait de cet album Soul Junction. Le morceau s'appelle Alléluia. Et voilà, avec Donald Byrd notamment à la trompette et George Joyner à la basse, R. Taylor à la batterie. Et bien sûr, Red Garland au piano avec un son très très clair sur son premier chorus. Là, il est vraiment un très très beau son de piano, très très délicat. Voilà pour ce qu'on pouvait dire. On est en pleine fête, donc c'était normal de passer un morceau comme Alléluia quand même. C'est un peu. Voilà. On était tout à fait dans la plaque. Voilà, on arrive au dernier morceau de cette émission, dernière émission de l'année. Vincent se joint à moi certainement pour vous souhaiter un très beau réveillon et un très beau début d'année 2026. On se retrouve non pas la semaine prochaine parce qu'il y aura une émission, il y aura pas d'émission la semaine prochaine, mais simplement la bande son avec toutes les bonnes musiques sélectionnées qu'on vous passe habituellement après l'émission. Du soir entre 22h et 23h, ben là ça sera 2 heures de musique non-stop pour vous faire plaisir, pour vous relaxer après des fêtes peut-être un petit peu difficiles, on ne sait jamais, des fois il y a un petit peu d'abus. Voilà, donc très joyeux réveillon à tous et puis donc on se retrouve pour une nouvelle émission qui sera la 125e quelque part aux environs du 12 janvier à peu près dans ces eaux-là. D'ici là, ben, passez de bonnes fêtes et puis soyez joyeux et que le jazz soit avec vous. On va finir donc avec une dernière sélection, Johnny Griffin. On est encore en 1957, comme sur le morceau précédent. Johnny Griffin, extraordinaire saxophoniste qui avait la réputation d'être le saxophoniste le plus rapide du monde. Bon, ça reste à prouver, je ne sais pas s'il y a eu des compétitions, s'il y a eu des médailles d'or ou pas sur le sujet. Il était aussi le parrain du premier festival de jazz de Châtellerault, le festival Jazz Elro, et bien c'est Johnny Griffin qui avait lancé le premier festival à l'époque, donc ça le rapproche un petit peu de notre région, voilà, en 1957 il a enregistré cette session qui s'appelle A Blowing Session, donc une session où l'on souffle, évidemment, puisqu'il y avait pas mal de gens pour souffler dans ce studio, toujours dans le studio de Rudy Van Gelder, toujours lui, n'est-ce pas, enregistré le 8 avril donc 1957, une seule journée, hein, faudrait pas abuser non plus. Donc on retrouve au sax Johnny Griffin, donc Hank Mobley et John Coltrane. excusez du peu quand même, trompette Lee Morgan, et puis à la rythmique, c'est donc Wynton Kelly au piano, Paul Chambers à la basse et Art Blakey au drum. Ça veut dire qu'on a à peu près une bonne moitié du groupe qui joue 2 ans plus tard sur le Miles Davis Kind of Blue, par exemple. Une bien belle brochette de musiciens. Il faut quand même faire remarquer que normalement, dans cette session, John Coltrane n'était pas prévu. Mais il se trouve qu'en allant au studio tranquillement à pied avec son sax à la main, Johnny Griffin a croisé qui ? John Coltrane sur le trottoir. Il lui a dit tu t'as rien à faire là, tu veux bien venir avec moi ? On va faire une petite session et tout. Et voilà comment s'écrit l'histoire. Un saxophoniste de plus, ni plus ni moins que John Coltrane pour accompagner Johnny Griffin. Donc sur ce morceau qui s'appelle Smokestack, extrait de cet album Blowing Session de 1957. Et sur ce, je trouve que c'est une belle session pour terminer cette année 2025. Rendez-vous en 2026. D'ici là, passez un bon réveillon et à très bientôt. Que le jazz soit avec vous. Thank you.